pouvoir péter son cœur, c'est pas des lol. J't'emmènerai bien un tour sur Vénus si t'as le temps. J'retourne pas la feuille sur le verso pour des loves. Elle veut l'amour à la gangsta, oh man de love. Papa t'inquiète, j'ai la mentalité husky. T'étais pas prêt, comme retour d'Izou à Madrid. La vie c'est real, moi j'aime trop faire des bêtises. Quand j'fais mon bis, j'investis à Galice. Un coup c'est blanc et noir, lumière de mon âme éteint. Faut stopper j'en ai marre, t'es foncé j'peux plus me lavre. Un coup c'est blanc et noir, calé dans le yacht. Aman aman aman. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Qu'est-ce que passe toute cette fin de l'heure. J'ai mes billes, j'ai pas d'appareil. La sortie du pendant. Calé dans les yachts, aman aman aman. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui.